Nathalie avec deux hommes sous les pommes. Alibert. Nathalie cueillait les fruits avec moi chez le maraîcher. Fraises en début de saison, poires et pommes à la fin. Job d'été qu'on fait quand on est lycéen, étudiant. Qu'on faisait, puisque maintenant toutes les places sont prises par les miséreux des pays de l'Est. Nathalie était plutôt jolie. Petite blonde banale, mais affriolante pour peu qu'on aime les petits lots bien formés et un peu vulgaires. C'était aussi une vraie petite salope. Vous me direz, c'est normal, elle s'appelait Nathalie. Il y a des prénoms comme ça qui semblent marquer ceux et celles qui le portent. Les prénoms sont comme des couleurs. Ils donnent un ton, une personnalité. Et Nathalie fait partie des prénoms de salope, comme Stéphanie, Aurélie, Mélanie. D'autres prénoms sont moins marqués ou bien orientés différemment. Mais bon, inutile de s'apesantir. On est ici pour se branler, pas pour réfléchir. Je ne sais si mon prénom est typique des cons, mais sans doute, car j'étais éperdument amoureux de Nathalie et je l'idéalisais, la voyant comme une sainte, un ange descendu du ciel pour embellir la terre. On n'y peut rien, quand on est con. Et quand on a reçu l'injonction d'être un con, depuis sa dénomination jusqu'au moindre de ses gestes, on le devient forcément. J'étais donc un con et Nathalie une salope. Ce sont les meilleurs couples de la littérature. Nous avions sympathisé. Elle mourait d'envie que je tente ma chance avec elle. Nous nous retrouvions fréquemment, seuls au milieu des vergers. Elle semblait attendre quelque chose, s'arrêter, regarder au loin, soupirer, et moi je pressais le pas, soucieux de rejoindre les autres pour la cueillette, ou d'aller au hangar pour le calibrage, ou bien tout simplement de rentrer chez moi, chez papa-maman, la journée terminée. Le vrai con. Mais quand même, qu'est-ce que c'est bon d'être amoureux. Surtout quand on est jeune, que le cœur n'est pas habitué à cet état, qu'il n'a pas encore souffert. Quand je ne voyais pas Nathalie, je pensais à elle. Notamment le soir dans mon lit, et je rêvais à nos amours futurs, faites de rires, de baisers et de caresses ininterrompues et interminables. En sa présence, je vibrais littéralement, flottant dans un nuage, marchant dans mon rêve. Mes émotions étaient si fortes que je sentais de gros chocs dans ma poitrine. Ça cognait là-dedans à faire peur. Certains jours, je ne voyais d'elle qu'une silhouette s'activant dans les feuillages. Mais ça me suffisait. Je n'avais pas besoin de la voir de près ni de lui parler. Je l'aimais de loin, comme de près, en silence et en parole. Je remarquais de temps en temps un sourire étrange sur ses lèvres, un peu déplaisant. Elle paraissait rêver, mais ses rêves étaient terrestres, pas éthérés comme les miens. Et parfois, je la surprenais en train de m'observer avec ce sourire qui me mettait mal à l'aise, et elle détournait la tête en prenant une expression ironique, comme si elle se moquait de moi. Mais non, ça ne pouvait pas être ça, pas venant d'un tel ange. Je découvrais aussi chez nos collègues certains drôles d'air. Des jeunes mecs hilares me regardaient et aussi deux ou trois vieilles femmes qui affichaient ce même sourire déplaisant. Le patron de la boîte, fils de la patronne, un grand sec osseux de 27 ans, aux joues creuses, à la barbiche mal rasée, prénommé Nicolas, affectionnait de me taper sur l'épaule en m'appelant glandu. Timide et amoureux, je ne disais rien. Ce qui me heurtait, c'était quand les gars se mettaient à plaisanter avec Nathalie. L'un d'eux, notamment, le gars Simon, l'entreprenait souvent. Il était blond, sportif, trapu, musclé, toujours vêtu d'un maillot douteux. C'était celui qui me dégoûtait le plus. Mais il ne dégoûtait pas Nathalie, de toute évidence. Elle riait de bon cœur à ses plaisanteries et avec une telle expression de complicité qu'à chaque fois j'en étais mortifiée. Comment pouvait-elle se renverser ainsi devant lui, la mine épanouie, les yeux pétillants, le corps offert? Comment pouvait-elle avoir un rire aussi joyeux, confiant et clair, alors qu'avec moi, elle avait presque toujours l'air de s'ennuyer ou de se moquer? Nous avions cueilli toute la journée. Nicolas nous avait bien sulfatés, pommes et cueilleurs avec son tracteur et son nuage vert. Puis la pluie s'était mise à tomber. Grosse averse soudaine qui faisait fuir tout le monde sous les bandes grises des gouttes tombant en rafale. J'avais eu le temps de mettre mon ciré, gros truc en plastique transparent avec capuche, et je m'étais planquée sous un pommier, en prenant garde à ne pas m'asseoir sur une vipère. J'étais ravie. J'adore ce genre de situation imprévue. Le boulot s'arrête, et on apprécie alors d'être dans la nature, au grand air, à la merci des éléments. Quand on ne craint rien, ce n'est que du plaisir. L'averse avait cessé. De grosses gouttes tombaient de l'arbre sous lequel je m'étais abritée, mais je ne les sentais pas grâce à mon ciré. Je constatais non sans surprise que personne ne revenait. Je m'étais attendue à voir appliquer tout le monde après l'averse, et puis non, je restais seule. Pourtant, le ciel se dégageait, le vent dispersait les nuages, des pans de bleu revenaient, et le soleil se remettait à chauffer. Bref, on était au paradis. J'entendis un rire de fille très bref, que d'aucuns diraient cristallin. Rire de plaisir, d'échappée belle. Mais ce rire avait quelque chose de vulgaire qui me prit aux tripes. C'était le rire d'une virée vers un interdit qu'on s'apprêtait à transgresser. Au rire de la fille se joignit une exclamation d'homme. Puis il y eut des paroles indistinctes. Je perçus deux voix d'homme. Je reconnus nettement l'une de ces voix, celle de Nicolas. J'étais sous mon pommier, derrière le tronc et les herbes. À condition de ne pas bouger, j'étais à peu près sûre de ne pas être vue. Ici, il faut que j'explique aux Parisiens bitumés et pollués comment sont les pommiers chez les gueux. Ce ne sont pas de grands arbres majestueux comme les marronniers qui bordent vos avenues, mais de gros arbustes, pas plus hauts que 3 mètres, qui se touchent les uns les autres, alignés comme des rayons de bibliothèque. Quand on est dessous, on est, dans un sens, totalement invisible, à cause de l'alignement, et, dans l'autre sens, parfaitement dissimulé par l'épaisseur des feuillages et les hautes herbes. Je compris alors pourquoi personne ne revenait. C'était l'heure de s'en aller. Je n'avais pas de montre, mais l'inclinaison du soleil, le changement de lumière, indiquait que la journée de travail était terminée. Tout le monde s'était barré. Les voix et le rire se rapprochèrent, et je les vis. Ils traversèrent l'allée, tout au bout, et disparurent. J'avais reconnu Nathalie, Nicolas et Simon. Une lame perça mon cœur. Ainsi, elle avait des occupations secrètes avec les autres, et moi je l'ignorais. Personne ne m'en avait rien dit. Qu'allait-il faire? Cueillir alors que tout le monde était parti? Dans ce cas, pourquoi riait-il comme ça? Quand on cueille, on travaille, on ne rit pas. Parcouru d'un tremblement généralisé, je me suis levée. J'ai parcouru l'allée jusqu'au bout. Personne. L'allée suivante, elle aussi était déserte. Celle d'après également. Je perçus à nouveau son rire, toujours aussi cristallin. J'ai marché le long d'une allée en direction du son et je les ai repérés, là-bas, au milieu, sous les arbres. Je ne voyais que des parties de leurs vêtements. Ils n'avaient pas l'air de cueillir. Que faisaient-ils alors? Il ne pouvait s'agir d'un rendez-vous amoureux, d'un concurrent, puisqu'ils étaient deux avec elle. Quoi donc alors? Normalement, j'aurais dû partir, chassée par la honte d'espionner et la peur de me faire prendre, et surtout de ce que je pouvais découvrir. Mais j'avais envie de voir, de savoir. Alors, je suis restée. Je suis revenue dans l'allée précédente et l'ai remontée. Autour de moi, tout était silencieux. Je marchais doucement. Le vent faisait à peine claquer quelques feuilles les unes contre les autres. Rien ne gênait les sons qui me parvenaient de plus en plus nettement. C'étaient des paroles, des rires étouffés, des froissements de feuilles. Toujours tremblant, je suis arrivée à leur hauteur. L'épaisseur des feuillages me cachait, ainsi que les troncs, les herbes, mais surtout le fait qu'ils pensaient être seuls. Les sons à présent étaient bien articulés. Nathalie disait qu'elle en voulait un ici et l'autre là. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Les deux hommes, eux, lui faisaient des compliments avec des voix langoureuses. Je m'accroupis. Ils étaient, si j'ose dire, pile en face de moi. Elle était adossée au feuillage. D'un côté, Nicolas l'embrassait, de l'autre, Simon la caressait. Elle avait passé un bras sur la poitrine de Simon et lui tenait la nuque, tandis que son autre bras passait par-dessus l'épaule de Nicolas. Je fus si atterrée que je crus tout d'abord qu'ils étaient en train de la violer. Pourtant, Nathalie ne semblait pas se débattre, bien au contraire. Les bras levés, elle laissait leurs mains parcourir son corps, sans les repousser le moins du monde. Quittant la bouche de Nicolas, elle se tourna vers Simon en tendant les lèvres d'une façon tout à fait suggestive. Il l'embrassa, tout en lui caressant la poitrine, tandis que Nicolas s'agenouillait devant elle. Je me suis dit que c'était pour lui demander pardon et qu'ils allaient ensuite partir, mais non. Il entreprit de lui défaire les boutons du pantalon, et le plus fort, c'est qu'elle se laissait faire. Mon tremblement devenait intolérable. Je suffoquais, ma vue se brouillait. J'ai fermé les yeux et, m'agrippant au tronc, me suis assis pour ne pas tomber. Quand j'ai ouvert les yeux, elle avait les jambes nues. Il faisait chaud, la pluie sur les feuillages dispensait une fraîcheur bienvenue. Dégageant ses jambes du pantalon froissé à terre, Nathalie se retrouva en slip et t-shirt. Nicolas se remit debout, il lui souleva le t-shirt. Elle leva les bras pour l'aider à le lui ôter. Elle était donc consentante, et même plus, participante. D'être en culotte et soutien-gorge devant les deux hommes, cela la faisait rire. Simon s'affairait dans son dos pour lui dégrafer la fine bande de dentelle et abaisser les bretelles. Puis il fit coulisser ses mains sur ses hanches pour lui descendre sa culotte. Elle était nue. « À vous maintenant !» lança-t-elle. Ils rirent. Nicolas l'embrassa à petits coups. Comme elle était bien plus petite qu'eux, elle devait tendre le cou pour recevoir les baisers. J'étais confondue par ce que je voyais, par leur complicité. Simon lui malaxait les seins. « Oh, les jolies petites pommes que voilà !» dit-il en y fourrant sa figure. Elle gloussa. Allongeant le bras, Nicolas lui passa la main entre les cuisses. Elle glapit, le repoussa d'un ton faussement fâché. « J'ai pas beaucoup de temps, mes parents m'attendent, il faut se dépêcher. » Elle était lycéenne comme moi et vivait chez ses parents. Nous étions voisins. Ils ne se le firent pas dire trois fois. Ils ôtèrent leurs chaussures, leurs pantalons, leurs maillots, sous le regard un peu ennuyé de l'objet de mes rêves. Au moment où ils enlevaient leurs slips, je me sentis à nouveau suffoquée. Non seulement j'étais offusquée de les voir nus, surtout Nicolas, le patron, mais j'étais choquée de voir mon aimée, mon amoureuse, parfaitement à l'aise entre eux. Leur sexe se dressait, je voyais leur bout rouge, je ne connaissais pas le mot gland, et j'étais stupéfaite qu'ils se montrent ainsi à cette fille. Elle jeta un coup d'œil dans l'allée. Nicolas le remarqua et lui dit qu'il n'y avait rien à craindre, que tout le monde était parti. « Je pensais à Jean-Christophe, » répondit-elle, « je ne l'ai pas vu partir. » « Glandu ? Si, si, je l'ai vu s'en aller. Tu as peur qu'il te découvre avec nous ?» Simon partit d'un rire gras. « Ça lui ferait un sacré effet, hein, de voir son amoureuse avec nous dans cette situation, tu ne crois pas, ma chérie ?» Pour appuyer ses dires, il lui prit la main, la posa sur son sexe tendu. Elle eut un sourire que je ne lui avais jamais vu. Un sourire déplaisant, lui aussi, mais très excitant. Elle prit de son autre main le sexe de Nicolas et je pus contempler le tableau fascinant de ma chérie adorée tenant ces deux hommes par leurs parties les plus intimes. « Qu'est-ce qu'il dirait d'après toi ?» demanda Simon en lui baisant le cou. « Je sais pas. Il pleurerait, tu crois ? Peut-être bien. Il est tellement niais. Vous moquez pas de lui, » dit-elle faussement fâchée. « Il est amoureux. » « Amoureux transi. » L'expression la fit rire. Elle manipulait les deux sexes sans plus d'émotion que si ça avait été des concombres. Elle s'accroupit et mit l'un des sexes dans sa bouche. J'avais le souffle coupé. Pour moi, ce genre de choses, c'était des photos qu'on regardait en rigolant avec des copains, en cachette dans leur chambre, craignant à tout instant de voir débouler un adulte courroucé et répressif. Et elle, Nathalie, le faisait. Elle le suça avec application. Ses cheveux, généralement attachés derrière la tête, étaient défaits. Ils s'étalaient sur ses joues, faisant ressortir son mignon profil. Elle suçait lentement, d'un air consciencieux. De ses doigts, elle faisait des mouvements visiblement experts. Je finis par comprendre qu'elle malaxait les couilles de Nicolas, les couilles du patron. De l'autre main, elle masturbait Simon. Après quelques instants, elle inversa l'ordre. Les hommes se laissaient faire. De là où je me trouvais, je pouvais voir son sexe à elle, la fente entre ses cuisses ouvertes. Elle n'avait pas de poils. Ses coudes glissaient entre les cuisses des deux hommes, ses mains fermées sur leur sexe, sa bouche les engloutissant à tour de rôle. L'expression de son visage, appliquée et concentrée. Tout cela me stupéfiait. Le tracteur aurait pu débouler derrière moi sans que je m'en rende compte. « Ça va ?» Elle avait parlé sur un ton haut et clair, comme quand on demande si ça va à un copain qui vient de courir un 50 mètres pendant le cours de gym. Elle se leva, toute petite entre les deux hommes. « Bon, j'en veux un dans ma chatte, un dans ma bouche, et après on arrête. » Nicolas lui dit quelque chose à l'oreille, en lui mettant la main au bas du dos. Elle le repoussa avec colère. « Non, j'ai dit non !» Je ne compris pas de quoi il s'agissait, mais je n'en revenais pas de l'avoir repoussé le patron, et celui-ci ne pas insister. Je prenais conscience d'un abîme entre elle et moi. Simon, en bon subordonné, offrit à Nicolas de prendre le meilleur endroit. Celui-ci accepta en précisant que la prochaine fois, ce serait lui. Nathalie se baissa, colla sa croupe au pubis de Nicolas, prit le sexe de Simon dans sa bouche. Nicolas entra en elle. Ils s'activèrent pendant une dizaine de minutes. Nicolas tenait fermement Nathalie par les hanches et lui donnait de grands coups de rein. Elle s'agrippait à Simon. Ses cheveux ondulaient au rythme des mouvements, s'étalaient devant son visage. Ses seins pendouillaient en gigotant. Elle avait les hanches soudainement très larges, les formes pleines, un aspect différent. Je me rendis compte que je suais sous mon ciré. Elle dégagea Simon de sa bouche et elle se mit à haleter. Je me dis que ça n'allait pas, qu'il se passait quelque chose, qu'ils allaient arrêter. Mais non. Nicolas ne fit que la secouer encore plus fort. J'étais scandalisée. Elle se mit à grimacer, à pousser des petits cris. Elle semblait souffrir. Elle était toute rouge, fermait les yeux. J'avais pitié d'elle. Pourtant, malgré son petit corps coincé et malmené entre un grand truc osseux d'un côté, un large tas de chair blême de l'autre, elle acceptait de toute évidence, de bonne grâce, le traitement qui lui était appliqué. Nicolas grognait en donnant des coups encore plus forts. Elle poussa une exclamation. Elle cria plusieurs fois, étouffant ses cris contre le ventre de Simon. Nicolas dégagea son sexe. Il semblait satisfait. Il était tout rouge lui aussi. Il avait vieilli de 10 ans. Simon se mit à se branler de toutes ses forces. Elle s'accroupit devant lui, langue tirée, le lécha sur les couilles, le sexe. Elle avait glissé une main entre ses cuisses. Ses petits doigts délicats apparaissaient derrière les muscles. Elle leva les yeux, sourit. Des gouttes jaillirent, elle les reçut en grimaçant. Elle se releva d'un bond, visiblement ravie. Simon, serviable, prit un mouchoir dans son pantalon en précisant qu'il était propre, qu'il l'avait apporté exprès, et lui essuya les joues, le menton, tout en lui faisant une bise. Nicolas aussi lui fit une bise. Elles se rhabillèrent. Elle fut plus rapide qu'eux. Elle les regardait se démener. Ils étaient gênés par leur sexe encore dur. Elle les aida à les enfourner, puis au moment de partir, leur dit de la laisser. Qu'elle avait envie de rentrer sans être accompagnée. Ils s'éloignèrent. Demeurée seule, Nathalie regarde autour d'elle. Elle semble être retombée dans son ennui. Après avoir vérifié que les hommes ont bien disparu, elle défait son pantalon, s'accroupit, fait pipi. J'ai décidément droit à tout aujourd'hui. Tandis qu'elle se reculotte, elle a un regard sur le côté et elle me voit. Elle sursaute en poussant une exclamation de surprise. Nous nous regardons pendant de longues secondes. Moi, assis sous mon arbre, mon rêve effondré laissant place à la confrontation avec la dure réalité. Elle, accroupie au milieu de l'allée, son ennui supplantant déjà les derniers échos de son plaisir. L'abîme entre nous a disparu et nous sommes unis par un même sentiment, celui de la honte. Honte pour moi d'avoir surpris son intimité, pour elle d'avoir été surprise dans cette même intimité. Mais surtout honte pour moi de ma niaiserie et honte pour elle de sa débauche déjà si précoce.